Street, Bitches Cara, Marécage Street, Straight Street, 1-1, j'encule le monde, volume 1, on dit quoi là? Ok, ok. Fainéant professionnel de la semaine au week-end, mon argent fait le bonheur, j'en ai parlé à Bill Gates. Y'en a qui sort des couteaux, y'en a qui sort des mixtapes, original sans remake. Mon petit ref écoute la rimesse, il se laisse dans la poche, marche, brasse de l'air. On m'a dit de balayer ma porte, alors j'ai cassé mon balai. Dans mon crâne, c'est le bordel, comme dans les rues à Palerme. De temps en temps, j'fume de l'air, mais j'm'enferme dans ma sphère. Moi j'suis pas à la mode, même si j'ai un MySpace. Cousin, mes potes sont noirs et moi j'suis pas comme Casper. J'perds mon temps et personne m'appelle papa. J'ai ma place sur le banc et un kebab out. Un plat de pâtes, what witch le épuisante. M'a dans mes Nike man, j'marche d'un pas hésitant. Les gitans tapent la pitié, les darons sont pervers. J'ai la haine contre mon chef, mon ex et mon réveil. J'ai un citron dans ma cervelle, pa, la maille sous mes languettes, pa. Les gueules sont amochées, tu croises les gremlins sans basket. J'encule le monde, j'passe mon cratère, j'vois la vie en verre. Ballon gorille en relèverette, mais j'ai qu'un semi au réveil. J'ai un citron dans ma cervelle, pa, la maille sous mes languettes, pa. Les gueules sont amochées, tu croises les gremlins sans basket. J'encule le monde, j'passe mon cratère, le repas pas plus haut brouette. J'vends la pop brouette, naturellement, même pas le gradette. Ça fait 20 ans que j'ai ouvert mes paupières. Les rampes à l'ancienne, j'ai pas d'un beau père en peau de pêche. Mes potes perdent à la recherche d'une grosse baisse. On veut tous une vie prospère. Bon, les impôts se payent. Moi j'suis de la personne, man, j'ai pas de grand poster. Et puis j'ai passé l'âge de me battre pour un code postal. Mon garde il bosse pas. J'entre et sors tard, j'coupe les ronds et les triangles. Et puis j'esquive les croche-pattes. Deux rimes dans le cellophane, j'aime pas les gyrophares. Moi j'refais le monde en mieux avec monsieur Viplovka. Marécage 05 sur les Hispac des petits. J'risque pas d'être riche, ni j'rappe, j'écris. Je suis pile, allez crève sale race. On te fait manger des couleuvres et puis de belles salades. Moi j'suis incompris ou alors peut-être malade. J'navigue entre les crêtes de punk et la fraude Ben Wallace. J'ai un cyclone dans ma cervelle, pa, la maille sous mes languettes, pa. Les gueules sont amochées, tu croises les gremlins sans basket. J'encule le monde, j'passe mon cratère, j'vois la vie en verre. Ballon gorille en relèverette, mais j'ai qu'un semi au réveil. J'ai un cyclone dans ma cervelle, pa, la maille sous mes languettes, pa. Les gueules sont amochées, tu croises les gremlins sans basket. J'encule le monde, j'passe mon cratère, le repas pas plus haut brouette. J'vends la pop brouette, naturellement, même dans le bâtard. Vu mon train de vie, j'finirai par comptable. Ça me correspond pas, comportement irresponsable. La maille se cache, man, faut viser le bon sac. Moi j'perds mes contacts, la solitude m'accompagne. J'suis incomparable, j'ai pas la vie des autres, ok. Je me casse autre part, possible au tropique, man. Moi j'me fais chier, on me pose ses problèmes. Alors j'croite mon cockpit avec des rêves de Rolex. Moi j'ai rien de mystique, personne perd qui me connaît. J'ai un cœur en plastique, mon sourire c'est une prothèse. J'veux des thunes et profiter, mais là j'suis hors jeu. Fatigué, mal rasé, pourtant j'suis encore jeune. Cousin, j'suis saoulé, me casser ça me tente trop. Et si j'patine sur du verga, il y a du poison dans le rôle. Marécage Street, Monsieur Bill, Bitches Cara, portant de 05. J'ai un cyclone dans ma cervelle, pa, la maille sous mes languettes, pa. Les gueules sont amochées, tu croises les gremlins sans basket. J'encule le monde, j'passe mon cratère, j'vois la vie en verre. Ballon gorille en relèverette, mais j'ai qu'un semi au réveil. J'ai un cyclone dans ma cervelle, pa, la maille sous mes languettes, pa. Les gueules sont amochées, tu croises les gremlins sans basket. J'encule le monde, j'passe mon cratère, mais repas pas plus haut brouette. J'vends la pop brouette, naturellement, mais pas le bagage. T'inquiète comme d'hab, fixé en dédicace au poteau. Hey Joker, hey Joker, hey les gars de la bohème, c'est Mir, l'homme poker. Hey Joe, le gars à grosse moto, Pablo et toute leur team, hein. Yamoun Dibou, Yamourad, si si. Hey, spécial track time. Ok les gars, oubliez pas, hein.